Alors, maintenant, je dois se dit devo. Devo. D-E-V-O. Puisque le son E n'existe pas en italien et que la lettre E se prononce toujours E ou E. Devoir se dit dovere. Je dois, devo. Donc, vous devez, quand on vous voit quelqu'un, c'est deva. Ce n'est pas un verbe en are. Ah, deve. Voilà, deve. Alors, comment diriez-vous, vous devez venir avec moi? Deve venire con me. C'est ça. Deve venire con me. Et vous devez parler italien avec moi? Deve parlare italiano con me. Oui, deve parlare italiano con me. Comprendre se dit capire. C-A-P-I-R-E. Pensez à capturer le sens de quelque chose. Capire. Sachant que le comprendre, c'est capirlo, et que me se dit mi, comment traduirez-vous me comprendre? Capire mi? Oui, mais quand vous accrochez lo ou mi au verbe, le e final tombe et on raccroche le mot au R qui reste. Comprendre, c'est capire. Et me comprendre, c'est donc capir. Capirmi. Capirmi. Oui, capirmi. C'est ça. Maintenant, aider se dit aiutare. A-I-U-T-A-R-E. Aiutare. Comment direz-vous m'aider? Aiutarmi. Très bien. Aiutarmi. Et si vous voulez dire, pouvez-vous m'aider? Può aiutarmi? D'accord. Può aiutarmi? Et quand pouvez-vous m'aider? Quando può aiutarmi? Quando. Quando. Quando può aiutarmi? Voilà. Quando può aiutarmi? Rappelle-moi comment on dit avoir. Avere. Avere, oui. Alors, comment dit-on « Est-ce que vous avez quelque chose pour moi ?» A qualcosa per me? Mm-hmm. A qualcosa per me, qui peut aussi vouloir dire « A-t-il ou a-t-elle quelque chose pour moi ?» Et savoir, comment le traduit-on en italien ? Sapere. Sapere, oui. En fait, ça marche comme avere, mais ici, c'est sapere avec un P. Donc, de même que avere donne O, c'est-à-dire j'ai, sapere donne so, S-O. Je sais, so. So. So, je sais. Dites-moi alors, je ne sais pas s'il est ici maintenant. Non so se è qui ora. Non so se è qui ora. Et comment diriez-vous je le sais? Lo so. Lo so. Et je ne le sais pas? Non lo so. Non lo so. Oui. Maintenant, si avere donne a, c'est-à-dire vous avez, il a ou elle a, sapere donne sa, S-A, c'est-à-dire vous savez, il sait ou elle sait, sa. Sa. Oui, sa. Comment direz-vous « vous le savez » ? Lo sa. Lo sa. Et pourquoi ne le savez-vous pas ? Perché non la... Non. Non lo sa. Perché non lo sa ? Pourquoi ne le savez-vous pas ? Dites-moi maintenant, savez-vous où il est ? Sa dove è ? Encore une fois, s'il vous plaît. Sa dove è ? Oui, mais on contracte. Sa do... Ah oui, sa dove ? Sa dove, c'est ça. Dire, en italien, c'est tout simplement dire, qui s'écrit exactement comme en français, mais le E final se prononce E, dire. Et en, comme dans en italien, se dit in, I-N. Donc, je ne sais pas le dire en italien, se dit... Non sa. Ça, c'est vous ne savez pas ou il ne sait pas. Non so. Voilà, non so. Le dire... Je ne sais plus comment on dit le. Dire, c'est... Dire. Et le, c'est... L'eau. Donc... Dire l'eau. Dire l'eau, c'est ça. Je ne sais pas le dire. Non so dirlo. Non so dirlo. En italien. In italiano. Bien. Non so dirlo in italiano. Traduisez-moi maintenant. Pouvez-vous me dire pourquoi? Può dirmi perché? Répétez encore une fois. Può dirmi... Attention à la dernière lettre. Dirmi. Voilà. Può dirmi perché? Pour moi, c'est per me. Avec moi, con me. Mais me, avec un verbe, se dit mi, M-I. Donc, può dirmi perché? Donc, dites-moi maintenant, pouvez-vous me dire où il est? Può dirmi dove? Voilà. Può dirmi dove? Et pouvez-vous me dire combien c'est? Può dirmi... Combien? Quanto? C'est. Quanto... Quant'è? C'est ça. Quant'è. Quanto è se contracte en quant'è. Può dirmi quant'è? Et comment diriez-vous parce que je veux l'acheter? Perché je veux... voglio comprarlo. Voilà, oui. Può dirmi quant'è? Perché voglio comprarlo.